Chapitre 3e. Comme annoncé, une fois qu'il eut mis le brigand qu'il poursuivait sous les verrous, Mangrave obtint sans difficulté la permission de son chef de se rendre quelques jours dans le nord du pays pour être agréable au lord. Ce fut en train que le superintendant fit le trajet jusqu'en Cambrai. Il descendit à Barrow, une ville aux murs gris qui n'était pas sans lui rappeler sa chère Écosse. À la sortie de la gare, le cocher qu'il avait déjà interrogé à Londres l'attendait à côté d'une berline auquel étaient attelés deux chevaux alezans. Le serviteur en tunique et en guêtre lui tint la portière et l'invita à monter se chargeant de ses bagages. Le policier reconnut bien là les mœurs délicates de l'aristocratie paysanne où des domestiques en uniforme conduisaient d'élégants équipages. L'attelage s'ébroua avec fracas dans les rues de la ville côtière. Il cahotait, ballottait, tressautait et quand il laissa derrière lui l'arsenal, il prit la route champêtre de Saint-Dwarf. Mangrave profita du paysage qui s'offrait à lui. La campagne autour d'eux variait sans cesse. Tantôt ils empruntaient des chemins bordés d'arbres, tantôt ils gravissaient des collines balayées par le vent où la neige s'entassait encore le long des murets en pierre sèche. L'habitacle ne cessait de tanguer avec le roulis d'un bateau sur une mer de cailloux. Au bout d'une heure et demie, ils arrivèrent en vue de Saint-Dwarf. La ville et ses faubourgs était dominé par un tertre couronné par le vieux manoir des Hammersby, dont le donjon battait fièrement pavillon anglais. En contrebas se dessinait le cours sinueux de l'Esque, sans cesse sillonné par le va-et-vient des embarcations qui le remontaient ou le descendaient depuis la mer d'Irlande. À l'ouest, la vallée de l'Eskdale, avec ses bois resserrés comme les massifs d'un parc, ses plaines, ses cultures, ses pâturages, était ceinturée çà et là de maisons de campagne et de fermes reconnaissables à leurs pigeonniers pointus. Mangrave sentait battre à nouveau le cœur de l'Angleterre profonde. Le détective, avant de venir, avait fait quelques recherches historiques sur le domaine des Hammersby. Le château avait été bâti par Randolph le Boiteux, premier comte de Saint-Dwarf, au début du XIIe siècle. Ce fut dans les années 1170 que le donjon surnommé la Tour du Mage fut construite en pierre de taille grise. Haute de 24 mètres, elle s'élevait sur 4 étages. Le bâtiment principal se situait sur deux ailes qui étaient à angle droit. Une tour ronde semi-circulaire dépassait du mur situé en aplomb de l'aile nord. Dans le prolongement de l'aile se trouvait une église romane. Le château devint ensuite une propriété royale lorsque Guillaume Ier d'Écosse envahit le comté qui se rendit sans résistance. En 1195, Gordon Hammersby s'empara de la forteresse au nom du roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Au XIXe siècle, Lady Georgina Cavendish Bentinck, la comtesse en titre et grand-mère de Reginald, lança une politique de grands travaux afin de convertir les pièces les plus importantes en résidences classiques pour donner au château le confort et l'élégance d'un manoir victorien. Le soir, au dîner, les échanges prirent un tour des plus surprenants pour le noble. « Que savez-vous sur votre arrière-grand-mère, Grace Elliot ?» demanda Archibald quand arriva le plat de gibier. Que c'était une femme d'une beauté remarquable. Nous avons d'ailleurs ici un magnifique portrait d'elle signé par Gainsborough. Mais encore, qu'elle a été la maîtresse du prince de Galles, et que ma grand-mère Georgina était donc de sang royal, et que par elle je suis un cousin du roi. Mangrave ne releva pas la question polémique de la paternité réelle de la petite Georgina, qu'au moins trois hommes à l'époque avaient revendiquée. La version officielle, s'appuyant sur l'acte de baptême de la demoiselle, satisfaisait manifestement l'ego familial des Hammersby. Il en était bien, ainsi. Avez-vous d'autres informations? Elle est morte en France, je crois. Elle a surtout vécu en France, rectifia Archibald. En 1784, votre aïeul, le prince de Galles, l'a présentée à Philippe d'Orléans, dont elle devint la compagne et qui l'invita à venir s'installer à Paris. Elle resta sur place pendant la Révolution. Mais lorsque le duc, qui soutenait les idées révolutionnaires, prit le nom de Philippe Égalité, en 1792, et qu'il vota la mort du roi, son cousin, elle le quitta. Grace resta fidèle à Louis XVI et à sa famille jusqu'à leur exécution. J'ignorais cela, grenouilla le comte. C'est probablement elle qui a appris le français, ou au moins ses rudiments à votre père. Mais c'est votre grand-mère qui détenait un secret d'une importance capitale, et probablement c'est elle qui est à l'origine du poème que votre père a couché sur le papier pour ne pas l'oublier. Il n'est pas facile de retenir des vers dans une langue que l'on ne maîtrise que peu. Un secret, mais quel secret? En 1795, Grace Elliot se présente à la basilique de Saint-Denis munie d'une lettre que lui a remis deux ans plus tôt la célèbre comtesse du Barry avec qui elle avait été emprisonnée. Le futur roi Charles X y demandait expressément que le sceptre de Dagobert soit remis à la porteuse pour le mettre à l'abri hors du pays. « Elle s'est vue confier le sceptre du roi de France ?» demanda Reginald, les yeux exorbités. « Celui des reines, en réalité. Les sacres des rois avaient lieu à Reims. Les reines, elles, étaient couronnées à Saint-Denis. C'est d'ailleurs pour cela que le comte de Provence avait chargé de cette mission une femme, seule en capacité d'accéder au couvent des Carmélites. « Drôle de choix que de le confier à des nonnes !» se récria l'anglican. « Pas n'importe quelle nonne. Le Carmel est devenu célèbre pour avoir compté, comme simple religieuse puis comme mère supérieure, rien moins que Louise de France, fille de Louis XV et donc tante du roi. À l'instigation de la princesse, l'établissement s'est doté à l'époque d'une nouvelle chapelle construite sur les plans de Richard Mick, architecte du monarque. Louis XV, rendant souvent visite à sa fille, on lui a même construit un pavillon particulier, greffé sur l'angle sud-est du couvent. C'est dans ce pavillon que votre aïeule s'est vu remettre le sceptre de Dagobert. Mais qu'en a-t-elle fait ? Voilà sans doute la clé du mystère que nous avons à percer, puisque le sceptre de Dagobert a justement disparu, sans laisser la moindre trace après avoir été remis à votre aïeule. Comment est-ce possible ? Comment savez-vous tout cela ? Question de chronologie. Charles X a toujours cru que la du Barry avait soustrait le sceptre dès 1793, en pleine terreur, et qu'elle avait emporté le secret de sa cachette sur l'échafaud. Or, j'ai fait vérifier par un des honorables correspondants de Scotland Yard en France, le témoignage de la mère supérieure sur la venue de Grace Elliot n'était connu que tardivement. De plus, elle évoque une noble dame à l'accent anglais, sans donner son nom. Il faut se référer aux mémoires de Lady Grace. « Ma vie sous la Révolution » parue en anglais à Londres en 1859 pour avoir la confirmation que Grace et la comtesse du Barry ont bien partagé un temps la même geôle. Donc, les Français qui sont venus chez moi à Londres sont à la recherche du sceptre de Dagobert et pensent que c'est ma famille qui détient le fin mot de cette histoire, c'est bien ça. Oui, tel est bien mon avis. Et je pense que nous avons un coup d'avance sur eux, puisque nous avons le poème écrit par votre père en notre possession et eux pas. Reste donc à résoudre cette énigme. Passionnant, n'est-ce pas ?